Yeah. Oh my god. Ok baby, viens je t'explique. Soyons matures, pas de jeux d'enfants. Écoute-moi et fuck ce que Jacques a dit. Mon Giorgio et mon Armani. Mamacita, qu'est-ce t'en dis? Toi c'est moi c'est toi. Le monde est à nous, c'est ce que la vie m'a dit. Suis là, la confiance m'a dit. Bien sûr j'ai les mots magiques. Si t'es pas dans ton assiette, je redonne goût à ta vie. J'suis comme la romagie. Unique, tu es ma mère m'a dit. Yeah. Mon destin te pointe du doigt. J'aime ton indépendance et ton physique. Entre nous ça paie. Va dire aux jaloux, le terrain est miné. Terrain miné. Entre nous terrain miné. Terrain miné. Entre nous terrain miné. Terrain miné. Entre nous terrain miné. Terrain miné. Entre nous terrain miné. Oh yeah, tu es fraîche mamie. T'as la classe, ta chevelure brille. Tu le vois bien, c'est ce que L'Oréal m'a dit. Sur un magazine, je t'imagine. Ils parlent de nous, c'est ce que mon dos m'a dit. Oui, je suis un mal dominant. Elle tombe tout domino, oui baby. Jamais 203 m'a dit notre bébé. Vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Oui, c'est ce que le jaloux m'a dit. Suive nos gestes de près, c'est ce que la loupe m'a dit. Oh my god, c'est ce que mon cœur t'a dit. Let's get it out. Mon destin te pointe du doigt. J'aime ton indépendance et ton physique. Entre nous ça paie. Va dire aux jaloux, le terrain est miné. Terrain miné. Entre nous terrain miné.